Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. L'historien Michel Carmona est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis très heureux de recevoir Michel Carmona, grand connaisseur de cette période passionnante entre toutes qui se niche entre la Renaissance et le Grand Siècle. On pourrait la qualifier peut-être d'âge classique si vous voulez. Avec lui, nous allons évoquer le duc de Béthune, plus connu sous son patronyme Sully. Sully, le grand ministre d'Henri IV. Et à la fin de l'émission, Lorena Martin nous conduira du reste, sur les traces de Sully à Paris et à Nogent-le-Rotrou. Oui, au cœur du Perche magnifique. Quant à moi, je reviendrai sur les origines des paris hippiques et notamment du très populaire tiercé. Le rapport avec Sully, me demanderez-vous, je crains qu'il n'en faille point chercher. 1596, les finances de la France sont au plus bas. Il faut vous dire que nous sortons de 30 années de guerre civile qui ont ravagé le pays, détruit les villes en partie et les villages, les récoltes, ruiné les paysans. Ce sont les trop fameuses guerres de religion. Et pour ne rien arranger, le nouveau roi Henri IV s'est lancé dans une guerre contre l'Espagne, guerre qui, comme toutes les guerres, est financée par des impôts sans cesse plus lourds à supporter pour la population. Les dépenses de l'État ne cesse de croître, au moins aussi vite que l'inflation. Le déficit s'élève à près de 50% du budget. Dans ce pays, cela dit, ça ne devrait pas nous impressionner, nous, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans ce pays en décomposition, les grands seigneurs profitent d'une comptabilité inexistante pour piller le trésor public et pour se livrer sans trop d'état d'âme à la corruption, disons-le, la plus totale. Devant cette situation inextricable, Henri IV fait grise mine, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il demande aux membres de son conseil de finances de lui trouver de l'argent, mais tous en sont bien incapables. Alors, le roi, à bout de ressources, va se tourner vers l'un de ses plus fidèles lieutenants, le seul susceptible de pourvoir les caisses, hein, de les remplir de nouveau, c'est Sully. Voici les mots implorants que le roi lui adresse le 15 avril 1596. Je ne veux vous dire l'état où je suis réduit. Mes chemises sont toutes déchirées, mes pourpoints troués au coude. Depuis 2 jours, je dîne et souple chez les uns et les autres, mes pourvoyeurs disant n'avoir plus moyen de fournir ma table, d'autant qu'il y a plus de 6 mois qu'ils n'ont reçu d'argent. Pourtant, jugez si je mérite d'être ainsi traité, si je dois plus longtemps souffrir que les financiers et trésoriers me fassent mourir de faim. Or, ai-je jeté les yeux sur vous pour me servir en cette charge, ne doutant nullement, si vous me voulez donner votre foi et votre parole, d'être aussi bon ménager de mon bien à mon profit que je vous l'ai toujours vu être du vôtre, que je ne reçoive utilité et contentement de votre administration. Voilà donc l'état de la situation royale lorsqu'en 1596, Sully fait son entrée au Conseil des Finances. Alors qui est-il, cet homme à la barbe en pointe? Nous l'appelons Sully par habitude, mais à la cour, il est Maximilien de Béthune, baron de Rosny. Il appartient à une famille calviniste, c'est très important de le souligner. À la mort de son frère, il est devenu l'héritier de cette baronnie de Rosny, justement, riche baronnie. Sully avait 3 ans lorsqu'ont éclaté les guerres de religion. Il a miraculeusement survécu aux horreurs de la Saint-Barthélemy. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et plus tard, il a suivi le chef des protestants, il a suivi Henri de Navarre dans toutes ses guerres. Pendant 17 ans, il a été le compagnon d'armes d'Henri. Il a mené une vie d'aventurier, de guerrier, d'homme d'affaires, n'oubliant jamais de se battre pour préserver et faire grossir sa fortune. Lorsqu'Henri IV est devenu roi de France, Sully n'a pas pour autant cessé de le conseiller, n'est-ce pas? Et il lui a surtout conseillé de remettre de l'ordre dans les finances du royaume, de réduire toutes les révoltes et rébellions à une due obéissance, d'établir un inventaire des biens de la couronne, etc. Il n'a certes pas d'expérience en cette matière économique, si vous voulez. À l'époque, on n'employait pas l'expression, bien sûr. Mais il a, disons-le, un goût de l'ordre et une austérité de caractère qui devrait assez bien s'accommoder de la gestion des affaires. Au moment où il arrive donc au Conseil des Finances, 1596, vous l'aurez compris, Sully a 37 ans. Faut pas imaginer un monsieur, un baron rassis, si je puis dire. 37 ans, il faut toujours l'imaginer vêtu de gris, de noir, une fraise autour du cou, un peu malingre, le front large et le crâne dégarni, avec des traits assez sévères. Il n'est pas seulement un honnête comptable, il y a chez lui une conviction profonde selon laquelle les dépenses superflues sont inutiles. Et ça c'est l'éducation protestante, qu'est-ce que vous voulez. Il y a chez lui un certain mépris, pour les plaisirs, les divertissements, le luxe, etc. Sully ne trouve aucun intérêt ni dans le jeu, une vraie perte de temps et de biens, dit-il. Ni dans la danse, pour lui, ballets, momeries et mascarades ne sont absolument pas bonnes choses. Ni dans la bonne nourriture, festins, banquets et crapules de tables longues et superflues. Et surtout pas dans l'amour, l'amour hachement galanterie, ni telle badinerie. Ah, vous allez me dire, c'est pas un rigolo. Non. Pas du tout. Non, mais en même temps, c'est un grand ministre, qu'est-ce que vous voulez? Son austérité le dessert, du reste. Lorsqu'il arrive au Conseil des Finances, il est accueilli, dira-t-il, avec des mines et des souris qui ne témoignent pas trop d'allégresse. Il doit faire face aux petites picoteries de serviteurs pleins d'envie et jalousie, et il subit de leur part mille frasques. J'aime bien cette langue du règne d'Henri IV, qui est encore pleine de verve et de cette espèce de verdeur qui la rend tellement franche et vive. Pourtant, Sully est doué de qualités essentielles, d'une finesse d'esprit, d'une vivacité, d'une efficacité, d'une loyauté, vous l'aurez compris, qui sont quasiment incomparables. Le surintendant n'était pas un expert, mais il avait toutes les qualités nécessaires pour réussir en son poste, nous dit Robert Lacour-Gaillet. D'abord, Sully était intègre. Non qu'il ne fût avide d'argent, il accumula une fortune considérable. Mais il atteint des libéralités royales qu'il savait provoquer avec une habileté consommée. Il appliquait les mêmes principes à la gestion des finances publiques qu'à l'exploitation de ses biens. Deux mots le résument, ordre et économie. Ordre, économie, c'est ce qu'on demande, après tout, d'un ministre chargé des finances. Il sait faire preuve de souplesse en même temps. Bien sûr, vous l'avez vu rude et austère, mais c'est aussi un psychologue. Il sait qu'il doit se montrer diplomate, savoir dissimuler son intransigeance derrière une apparente ouverture. C'est un homme de cour, néanmoins. Dès son arrivée au pouvoir, il s'oblige à offrir le 1er janvier à toutes les demoiselles d'honneur de la reine 100 écus pour leur permettre d'en acheter des babioles, dira-t-il. Oui, c'est le moyen de se rendre assez populaire, non seulement chez les demoiselles en question, mais dans leur famille, bien entendu. Mais, lui dit le roi, leur baillerez-vous leurs étrennes sans venir baiser ? Ma foi, sire, répond le ministre, je ne saurais vous dire, car j'ai bien d'autres choses à faire qu'à penser à l'amour ni à juger qui est la plus belle. Et je crois qu'elles pensent aussi peu à mon amour ni à mon bonnet que moi au leur. Et pour moi, je les baise comme des reliques en présentant mon offrande, si c'est pas joli. En effet, Sully a autre chose en tête. Il a devant lui une tâche considérable, démesurée, un grand défi à relever. Il lui faut restaurer les finances de la France. Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Sully, le ministre des Finances d'Henri IV, à l'aube du XVIIe siècle. Alors Franck, j'ai une question pour vous. Est-ce que Sully s'inscrit dans un courant de pensée économique en particulier à cette époque ? Alors, vous savez, l'économie est assez balbutiante à cette époque, disons-le. Il faut quand même dire qu'au moment où il devient ministre, la science économique commence un tout petit peu à se faire jour. Notamment les mémoires ou économie, ça s'écrivait OE à l'époque, comme on dirait nous, œnologie. Les mémoires ou économie royale ne sont pas un traité d'économie. On y trouve des souvenirs, des lettres, des conversations avec le roi, des attaques contre les hommes de loi incapables, selon Sully, de mener de manière efficace toutes les grandes affaires. Et puis il y a des critiques contre les financiers trésoriers, receveurs, etc. Parce que ça va être une de ses obsessions que de lutter contre les pilleurs des finances publiques, comme il les considère, n'est-ce pas ? Il est littéralement en guerre contre eux avec une certaine rudesse. Il débusque les galants et bravaches qui ont acheté des titres de noblesse pour échapper à l'impôt. Il leur retire ces titres, etc. C'est assez dur. Michelet, qui adore Sully, il faut vous dire, nous le décrit ainsi. Il nous parle de l'intrépide percée de cet homme de guerre, jusque-là étranger à ces choses, dans l'épaisse forêt d'abus où il entre l'épée à la main. J'adore Michelet parce que même quand il raconte n'importe quoi, il le raconte sublimement bien. Alors, la vérité, c'est que Sully s'attaque surtout au fonctionnement des finances. Il dénonce l'effrénée multitude d'officiers dont la licence, aussi bien que l'excessive quantité, sont des certificats sans réplique du malheur arrivé à un État et les avant-coureurs de sa ruine. Vous voyez qu'il est quand même bien déterminé. Il perçoit les contradictions dans ce fameux système d'impôts. La gabelle, par exemple, la taxe sur le sel, lui paraît un monopole absurde. Je n'ai jamais rien trouvé de si bizarrement tyrannique, dit-il, que de faire acheter à un particulier plus de sel qu'il n'en veut et n'en peut consommer et de lui défendre encore de revendre ce qu'il a de trop. C'est vrai que la réglementation était devenue plus que tatillonne. Le surintendant des finances et son titre s'emploient à réduire les prélèvements auxquels les seuls paysans sont alors soumis, avec des larmes de pitié sur notre pauvre peuple, appauvri et presque réduit à la dernière ruine, dit-il. Ce qui redonne bien sûr le moral aux paysans. Il devient populaire dans les villages, celui qui a compris une chose fondamentale, la richesse d'un pays, ce ne sont pas seulement des comptes équilibrés et des caisses remplies et des recettes abondantes, c'est d'abord une terre bien cultivée. L'essentiel n'est pas d'augmenter les impôts, c'est d'augmenter les richesses, de faire labourer les champs, de faire paître les bêtes, de charger les vergers de fruits, etc. et de prendre soin des vignobles et que sais-je. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, ou plutôt dont la France est alimentée et les vraies mines et trésors du Pérou, affirme-t-il. La phrase est tellement célèbre, on l'a fait annonner pendant des générations aux petits écoliers à l'époque où on leur apprenait les grands mythes de l'histoire de France. En 1601, Sully fait signer au roi un édit qui institue la liberté du commerce des grains pour que nos pauvres sujets reçoivent quelques relâches de tant de pertes et ruines qu'ils ont souffert, dit-il. C'est très vrai, les récoltes se font meilleures avec tout cela, la dette finit par s'amenuiser, les recettes de l'État augmentent, bref, ça va mieux. Et Henri IV, évidemment, constate tout cela. Il désire avec passion la gloire, l'honneur et la grandeur de moi et de mon royaume, dit-il à propos de Sully. Il n'a rien de malin dans le cœur. De malin, ça voulait dire de mauvais, de diabolique à l'époque. Il n'a rien de malin dans le cœur. Il a l'esprit fort industrieux et fertile en expédients et grand ménager de mon bien. Ménager, ça veut dire qu'il le ménage, hein, il s'en occupe bien. Homme fort laborieux et diligent qui essaie de ne rien ignorer et de se rendre capable de toutes sortes d'affaires de paix et de guerre. Henri IV donne donc toujours raison à Sully contre ceux qui voudraient évidemment essayer d'échapper à la tutelle d'un ministre qui devient un tout petit peu envahissant, bien entendu. Et au contraire, le roi, très content des services de son grand homme, ne va cesser de lui confier de nouvelles charges. Et voilà notre Sully, grand maître de l'artillerie, grand voyer de France, surintendant des fortifications et bâtiments. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'à chaque fois, il y a bien sûr énormément de gratifications qui vont avec tous ces titres. C'est-à-dire que Sully, lui, s'enrichit et qu'il place les bonnes personnes au bon poste. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Michel Carmona. Alors, les années passant, quand même, le roi finit par se lasser d'un certain nombre de ce qu'il peut considérer comme des excès de son ministre. Il y a des dissensions, c'est incontestable. Sully, par exemple, ne croit pas du tout aux transformations de l'industrie que le roi, lui, a l'intention d'encourager. Et là, on peut donner raison plutôt à Henri IV sur Sully dans cette affaire, vous voyez. Il craint que cela ne désaccoutume du ménage des champs, c'est-à-dire que pour lui, pas d'industrie, seulement de la terre, de la terre, de la terre. Il obéit aux décisions royales néanmoins, mais il ne cache jamais sa désapprobation, car vous l'aurez compris, tout courtisan qu'il puisse parfois se montrer, M. de Sully est avant tout un homme entier. Il est entêté comme un mulet d'Espagne, dit Henri IV. Je devrais le dire avec l'accent béarnais, hein, parce qu'il parlait comme ça, Henri IV, bien sûr. Bon. Le roi se plaint parfois de l'humeur rude, impatiente et contredisante de son ministre, impénétrable aux prières, c'est-à-dire aux demandes spécifiques du roi. Et de son côté, Sully, de plus en plus, a du mal à s'accommoder de ce caractère fantasque d'un roi qu'il trouve peu raisonnable, surtout en comparé à son âge, n'est-ce pas, la légèreté de ce roi, son penchant pour le jeu, pour les dames surtout, pour ses plaisirs. Sully n'est pas seulement surintendant des finances et grand maître de l'artillerie et tout ce que je vous ai dit. Il est, disons-le, l'homme à tout faire du roi, quasiment le valet de confiance. Il est devenu même, disons-le, une sorte de directeur de conscience civile du roi. Redresser l'État et les finances englobe une action bien plus large à ses yeux et aux yeux de ceux qui observent son travail, un combat contre les courtisans, contre les maîtresses du roi, parfois contre les volontés du roi lui-même. Vous comprenez que le temps passant, ce combat finisse par se révéler de plus en plus difficile. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et oui, cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire du ministre d'Henri IV, à savoir Sully. Sauf que Sully, finalement, se met à dos celui qu'il a toujours soutenu jusqu'ici, bien sûr Henri IV. Et oui, et ça vaut dans les deux sens, cette histoire, car Sully, de son côté, s'irrite aussi intérieurement, in petto, mais il n'en s'en irrite pas moins, de voir que le roi multiplie notamment les dettes de jeu, et puis toutes les dépenses liées à ses plaisirs qui sont multiples. Vous le savez bien, certains billets d'Henri IV ont le don d'agacer Sully, même si le ministre s'efforce en toutes circonstances de conserver son calme. « Mon ami, j'ai perdu au jeu 22 000 pistoles », lui écrit par exemple le roi. « Je vous prie de les faire incontinent mettre aux mains de Feydeau, afin qu'il les distribue aux particuliers auxquels je les dois. » Aïe, aïe, aïe, aïe. Quand d'un autre côté, vous veillez à ce que tout soit bien géré, etc. Non, et que vous avez le roi lui-même qui se permet ce genre d'incartade. Et cependant, Sully sait bien que sans le soutien d'Henri IV, il ne pourrait rien faire. Le roi, lui aussi, sait qu'il doit beaucoup à son fidèle serviteur. Ils se tiennent mutuellement, si vous voulez, ces deux-là. Au début de l'année 1599, le roi hésite à épouser Gabrielle d'Estrées. Il demande à son ministre un avis sage. Sully se renfrogne et il va finir par se prononcer clairement contre ce mariage. Et un peu plus tard, devant Gabrielle d'Estrées complètement en larmes, le roi lui dit « Je me passerai mieux de 10 maîtresses comme vous que d'un serviteur comme Sully ». Vous voyez quand même qu'Henri IV sait ce qu'il doit à son ministre. Or, un jour, on remet au roi une lettre qui accuse son grand ministre de vouloir le trahir. Henri IV est furieux. Il convoque son surintendant des finances. Et dans les allées du jardin des Tuileries, il faut imaginer la scène, on voit bien Henri IV qui extirpe la lettre et qui la tend, cette lettre accusatrice. Sully se défend. Ce sont des calomnies, bien entendu. Le roi ne doit pas y prêter oreille. Me permettez... Vous, pour confirmer toute vérité, que je me jette à vos pieds et vous embrasse les genoux comme à mon roi bien-aimé, unique maître et bienfaisseur. Et à ce moment-là, Henri fond. C'est un bon cœur, Henri IV, au fond, vous savez, il le rassure. N'en faites rien, mon ami, dit-il, car je ne voudrais pour rien au monde que ceux qui nous regardent vous crussent coupable. Je vous tiens pour homme de bien et entièrement innocent, voire le plus utile serviteur que je saurais avoir, et oubliant ce malheureux libellé qui m'a tant agité l'esprit, je vous donne ma foi et ma parole de n'y penser jamais et de vous aimer et chérir plus cordialement que je n'ai point encore fait. Et voilà que c'est reparti pour un tour, d'une certaine manière. En 1610, ça fait 14 ans que Sully est au pouvoir. Il reste impopulaire, mais il a réussi l'impossible, des comptes publics à l'équilibre, un déficit qui a été remplacé par un excédent. Le 14 mai 1610, notre pauvre Sully est au lit, vous savez qu'il est malade. Le roi décide d'aller lui rendre visite chez lui, à l'Arsenal, dont va nous parler Lorena tout à l'heure. Or, au moment où le carrosse passe rue de la Ferronnerie, vous savez ce qui se passe. Ravaillac, le coup de poignard, etc. Le roi est assassiné. Et pendant les mois qui suivent, Sully va rester encore un petit peu au pouvoir. Mais il est privé du soutien d'Henri IV. Et là, il ne peut plus agir. Ses paroles avaient perdu leur résonance et ses actes restaient sans conséquence, nous dit Robert Lacour-Gaillet. Il avait beau chercher des économies, les dépenses surgissaient autour de lui sans qu'il pût en arrêter le flot. En 1611, il se retira définitivement. Et eût-il tenté de garder son poste, qu'il aurait découvert chaque jour des preuves de son impuissance. Est-ce donc qu'il ne connaissait plus son métier? Non, certes. Il suffisait que Henri IV eût disparu pour que dans la nouvelle atmosphère politique, le problème financier devint une fois de plus insoluble. On peut dire que pour Sully, ses grandes années sont maintenant derrière lui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit au bord du tombeau. Vous allez voir qu'il va vivre encore une longue, longue, très longue retraite. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres. C'est assez étrange tout ce qu'on apprend sur Sully finalement. Le personnage réel, le ministre tel qu'il a exercé ses différents ministères, est assez éloigné de l'image qu'on s'en est faite. Le bon ministre idéal tel que Michelet nous l'a dépeint, c'est pas tout à fait ça quand même. La peinture de Michelet qui a valu d'ailleurs à Sully d'avoir sa statue devant le Palais Bourbon. Eh oui. gage d'équanimité, si je peux dire, alors que le personnage est éminemment colérique. Gage également de non-corruption, alors que il a mis les mains dans le cambouis, comme tous les autres à son époque. Et donc c'est assez étrange d'avoir effectivement ce personnage avec cette image. Pourquoi cette fascination des historiens du 19e siècle, de la 3e République, pour ce ministre? Parce qu'il était protestant tout simplement Je pense qu'il y a effectivement dans cette fascination le fait qu'il était protestant et qu'il est resté protestant jusqu'à la fin, malgré toutes les sollicitations, malgré toutes les promesses, alors que beaucoup d'éminents protestants de son époque, ses contemporains, à un moment ou l'autre se convertissaient. Parce que c'était lui, il est resté pur et dur. Hein. Il est resté pur et dur. Et donc ça, évidemment, ça a dû plaire notamment à Michelet, qui cherche dans l'histoire de France un certain nombre de figures de référence et qu'il choisit volontiers protestante. Pas toujours, mais volontiers, en tout cas. Hein. Volontiers. Et puis je crois qu'il a voulu faire une espèce de couple antithétique pour cette époque de la France. Alors, il y a en haut le bon roi Henri IV, celui-là, intouchable. Mmh. Et puis, il y a en dessous Sully, la figure de l'intègre protestant, et en face, la figure de l'horrible mégère qu'est Marie de Médicis, ultra-catholique, italienne de surcroît, criant, au point presque de battre Henri IV, et avec Sully au milieu, qui cherche à tempérer, qui cherche à arranger les choses et qui, de toute façon, représente la voie droite, alors que Marie de Médicis, c'est une forme de trahison. Alors, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous, Michel Carmona, ce que je vous propose, c'est de reprendre les choses au départ et de revenir sur l'existence, tout de même assez extraordinaire, de ce Sully. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du parcours ministériel de Sully cet après-midi et pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historien Michel Carmona, auteur de l'ouvrage « Marie de Médicis » aux éditions Fayard. Alors, si Sully n'avait pas échappé au massacre de la Saint-Barthélemy, ce que je vais dire est une lapalissade, mais évidemment, il n'aurait jamais pu devenir le grand ministre que nous connaissons. C'est très important pour lui, cette sauvegarde. Le fait d'avoir échappé au massacre, je pense que c'était très important pour lui comme pour tous les rescapés de cet horrible massacre. Et en même temps, ça l'a marqué, jamais. Ça l'a marqué à jamais. C'est l'une des raisons de son anti-papisme, je dirais, plutôt qu'anti-catholicisme, pur et dur. Il est hostile aux jésuites, il est hostile à tous les extrêmes, mais effectivement, il n'aime pas l'Église catholique. Et ça le marque, parce qu'il se dit, cette Église qui prêche l'amour, etc., elle l'a prêché à partir du tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois, la haine, le massacre, la sauvagerie. Depuis quand est-on protestant dans sa famille? Dans sa famille, on est protestant depuis déjà la génération de son père. Oui, donc il fait partie des tout premiers, on peut dire. Oui, vraiment les tout premiers, à un point tel que le père avait même été plus ou moins sermonné par feu roi Henri II, qui lui avait demandé, en tout cas, de modérer l'expression de son protestantisme. C'était quand même un noble important, baron de Rosny. Le titre ne nous évoque rien du tout, mais il se trouve que les barons de Rosny relevaient directement du roi. Donc Henri II avait dit, en somme au père de notre ami Maximilien de Béthune, futur Sully, modère les célébrations extérieures de ton protestantisme et tu ferais bien, ça serait encore mieux, de te convertir. Et donc le père avait décidé de rester prudent dans l'expression de son culte réformé. Et pour ses enfants, il avait décidé de les noyer, si l'on peut dire, dans la masse. Et donc, il avait envoyé son fils Maximilien, notre héros, à Paris, ce qui a failli lui coûter très cher, oui. Parce qu'il n'imaginait pas le massacre de la Saint-Barthélemy. Bien sûr. Et puis, ses deux autres fils, il les a envoyés en Italie. Maximilien est un compagnon de jeunesse, je disais ça tout à l'heure, un compagnon de jeunesse d'Henri de Navarre, celui qui va devenir le roi Henri IV. Vous savez comment se passent les choses à cette époque? On appartient à quelqu'un, on fait partie de sa clientèle. Il y a des fidélités. Voilà, c'est les fidélités. Et quand le jeune Maximilien élève à Paris, à l'âge de 12 ans, son père considère que 12 ans, c'est l'âge d'homme, et il décide de lui donner un patron. Et il va voir Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui est à Paris parce que dans quelques semaines va avoir lieu le mariage de Henri IV avec Marguerite de Navarre, la future reine Margot. Oui. Et donc le roi de Navarre étant là, le père de Maximilien emmène son fiston et le présente au roi de Navarre en disant « Voilà, je vous le propose, il est à vous ». Et Henri IV dévisage le jeune Maximilien, trouve qu'il a une certaine allure, il est élégant, il est mince, il n'a que 12 ans malgré tout, oui. Et dit « J'accepte ». et il accepte donc de le prendre dans sa clientèle. Alors, moyennant quoi, Maximilien va avoir à cœur d'honorer le fait d'appartenir à Henri IV. Alors, après la Saint-Barthélemy, il fait comme Henri IV. À la différence près qu'Henri IV s'est converti, tandis que Maximilien ne se convertit pas. Mais il se cache, il a tous les témoignages extérieurs du catholicisme. Il fait profil bas. Il fait profil très très bas. Et puis, 2 ans et demi après la Saint-Barthélemy, Henri de Navarre s'échappe de Paris. Eh bien, le jeune Maximilien fait de même. Et donc, il s'en va d'abord rejoindre son père, et puis après, il s'en va par les chemins, par des routes où il y a souvent des embuscades, où des forces ultra-catholiques guettent les Huguenots pour les rançonner, et surtout pour les massacrer. Et donc, il finit par arriver jusqu'en Béarn, chez Henri de Navarre. Et après ça, on peut dire qu'il ne le quittera plus. Mais oui, et c'est une, il y a une très grande fidélité de la part de Sully envers Henri, mais qui est largement payée de retour. C'est-à-dire que d'où vient la, j'allais dire la, l'admiration qu'Henri éprouve pour ce jeune homme, pour ce. C'est d'abord le courage du jeune homme. Il n'hésite pas à se jeter sur les lignes ennemies. On lui donne 50 hommes à commander. Il montre tellement de bravoure que Henri de Navarre lui en confie 100. Et puis, quelque temps après, il lui donne un premier grade d'officier supérieur. Et il y a également autre chose. C'est que le futur Sully est attiré par l'artillerie. Il regarde, il examine les canons, il se renseigne, comment est-ce qu'on les charge, combien de poudre est-ce qu'on peut mettre, comment est-ce qu'on peut améliorer la visée. Parce qu'à l'époque, on tire à vue, hein. Et on ne sait pas très bien où le boulet va tomber. Et donc lui, il développe une petite artillerie qui va beaucoup aider Henri de Navarre, puisque la guerre que fait Henri de Navarre, c'est surtout une guerre de siège. Mais oui, mais oui. Il s'agit de s'emparer d'un certain nombre de villes qui sont contre lui et qui sont comme autant de citadelles pour les forces ennemies. La technique militaire joue un rôle essentiel. Joue un rôle considérable. Mmh. Et donc Sully s'impose comme le grand spécialiste de l'artillerie. Mais en même temps qu'il s'occupe de l'artillerie, il s'occupe des autres approvisionnements. Parce qu'une armée, elle a besoin de manger. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Quelquefois, les intendants militaires avaient tendance à l'oublier. Ils gardaient l'argent pour eux, ils disaient l'armée se débrouillera. Mais une armée qui a faim, ben, à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Les soldats s'en vont. Et donc, lui, Maximilien, sans qu'on le lui ait demandé, commence à s'occuper de l'intendance, la logistique. Des armées en campagne de Henri IV. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec ses guerres de siège et avec la logistique. Henri IV admire d'abord son sens de l'argent, la valeur de l'argent, de la gestion. En fait, c'est un peu le, avant la lettre, c'est un peu le Vauban d'Henri IV. On peut vraiment le dire, c'est une très très bonne comparaison. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Henri IV a de plus en plus de confiance en lui et d'admiration en lui. Alors cette admiration, elle finira par s'émousser néanmoins. Lorsque Henri sera devenu le roi de France, il va faire de Sully le grand personnage que nous venons de voir. Et évidemment, Sully a tendance à en abuser un peu et ça finit par agacer Henri IV quand même. Leurs relations vont se distendre un peu avec le temps. Le problème de Sully, c'est qu'il dispose de marchés publics extrêmement importants. C'est ça, il les a dans sa main. Alors d'une part comme ministre des Finances, parce que beaucoup des impôts de l'époque ne sont pas perçus par des agents du roi, par des agents du fisc royal, mais sont sous-traités, délégués à des groupes financiers qui se chargent eux-mêmes de la perception de l'impôt. Alors évidemment, il y a des groupes financiers rivaux, et ces groupes financiers viennent de solliciter Sully. Bon, donc c'est bien de donner aux moins cher pour les finances du roi, au plus méritant donc. Mais si au passage, ce groupe sait se montrer reconnaissant à Sully, alors pas directement, on ne paye pas le ministre, mais on paye l'un des membres de son entourage ou de sa famille, ce qui revient rigoureusement au même. Et puis il y a d'autres marchés publics, parce que Sully règne également sur les travaux publics, sur les routes, sur les ponts, sur l'aménagement des canaux, et Dieu sait qu'il y en a, sur l'aménagement des fleuves. Il a fait un travail gigantesque pour aménager mieux les fleuves de France. Et là aussi, eh ben, il a perçu des commissions. Alors nous voilà arrivés dans le cœur même de l'activité de ce grand commis de l'État, un grand commis de l'État un peu moins pur que ce que l'on a bien voulu dire, bien souvent. Dans un instant, nous retrouvons notre Sully ministre. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, c'est le parcours d'un ministre des Finances, celui de Sully, dont nous parlons avec vous, Franck, et avec notre invité Michel Carmona, auteur de La France de Richelieu chez Fayard. Alors, on vient de parler des travaux publics, de tout ce qui est ponts et chaussées. On va y revenir dans un instant. Tout ce réseau qui se développe dans des proportions folles en ce tout début de XVIIe siècle. Nous parlons des régimes fiscaux, etc., des finances. Avant cela, si l'on devait retenir une image de Sully, c'est celle qu'on enseignait autrefois, il n'y a pas si longtemps, j'ai envie de dire naguère, c'est celle qu'on nous enseignait à l'école. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, Sully comme sauveur de l'agriculture française. Qu'en est-il véritablement, Michel Carmona ? Alors, ce n'est pas véritablement son travail direct. Il a joué un rôle indirect en servant la communication de Henri IV. Henri IV était solidaire de cette maxime et il avait ajouté de son propre chef « Je veux que chaque famille de paysans mange la poule au pot le dimanche ». Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre l'agriculture française plus profitable ? Eh bien, il s'agit de passer d'une agriculture ancienne dans laquelle on cultive la terre une année sur deux, parce que la deuxième année, il faut la laisser en jachère pour qu'elle se repose et qu'elle retrouve sa fertilité. Mais on peut peut-être réduire la jachère à seulement une année sur trois. Alors c'est formidable comme augmentation de production. Alors on peut le faire en mariant de façon astucieuse le travail de la terre, le labourage et l'utilisation d'un certain nombre de plantes voisines, voire le pâturage d'un certain nombre de vaches, de chèvres, de brebis, etc., dont les excréments, dont le fait de venir fouler la terre, permet d'enrichir la terre de nouveau. Et, voilà. Et puis, on a commencé à découvrir également le rôle des plantes qui sont ces plantes fourragères, qui servent d'ailleurs à nourrir le bétail, justement. Mais ces plantes fourragères, elles enrichissent la terre, elles aussi, après que la culture du blé ou des autres céréales l'ait, sinon épuisée, en tout cas fortement fatiguée. Alors, il s'agit d'enseigner ça aux agriculteurs. Et pour augmenter aussi la fertilité de la terre, il faut changer le matériel. Il faut passer à un matériel moderne, si on peut dire, c'est-à-dire la charrue, au lieu de l'arère. L'arère, c'est un bout de bois recourbé qu'on tire derrière soi et qui ne fait qu'écorcher la terre, tandis que la charrue, elle entre plus profondément et elle permet d'aller chercher un terreau plus fertile en dessous de la surface. Ce ne sont pas encore les préceptes des physiocrates, mais ce sont déjà ceux d'Olivier de Serres, en fait, bien sûr. C'est tout à fait les préceptes d'Olivier de Serres, qui est le contemporain de Sully et d'Henri IV. Et Olivier de Serres est un ami de Sully. Et Sully aide Olivier de Serres de temps en temps en organisant des réunions de nobles du voisinage et en prêchant ces nobles en disant « Voilà, écoutez les conseils d'Olivier de Serres, achetez son livre, lisez-le et vous vous en porterez bien. » Sully est donc, d'une certaine manière, à l'origine de cette richesse. Enfin, il fait partie de ceux qui ont contribué à la richesse du royaume de France. Ce royaume de France qui va se montrer tellement prospère beaucoup plus tard, sous Louis XV, sous le beau ministère Fleury, comme on disait. Mais la richesse agricole du pays vient largement de cette gestion-là et de cette mise en ordre des campagnes, mise en ordre des finances aussi. Et là, nous en venons au nerf de la guerre, à la question fiscale. Or, c'est un grand fiscaliste dont nous parlons aujourd'hui. Oui, c'est un très grand fiscaliste. Alors d'abord, il a comme conviction, qui est juste, que c'est la prospérité du pays, des habitants du pays et des entreprises du pays qui va permettre de rendre prospères les finances royales. C'est pour ça qu'il attache tellement d'importance à la base, c'est-à-dire au lieu de se dire simplement « j'augmente les impôts » ou « j'augmente le rendement des impôts », comment faire pour que, à la base, les impôts puissent augmenter. Alors, il y a son travail sur l'agriculture. Il y a aussi un travail qui est très important, c'est qu'il est le père, on va dire, de la navigation fluviale et oui. pour cette époque. On a vu les routes, les ponts, mais il y a les fleuves aussi, ben voilà. Et les canaux. Et jusqu'à l'arrivée de l'automobile, la navigation fluviale, ça a été un orgueil de la France. Et il y a des milliers, des dizaines de milliers de témoignages, d'images qui nous montrent des voiles. Travaux sur voies, la Loire, sur le Rhône, partout. En partout, fait. Et y compris sur des fleuves secondaires. Oui. Par exemple, aujourd'hui, qui imaginerait de naviguer de Poitiers à l'océan? Eh bien, lui. À l'époque, oui. Eh bien, oui, à l'époque, parce qu'il fait des travaux sur la petite rivière de Poitiers qui s'appelle le Clain, et puis ensuite la Vienne, et puis ensuite la Loire. Alors. Vous nous parliez de fidélité tout à l'heure. Il y a autour de tous ces grands ministres toujours un clan qui s'établit avec un réseau de clientélisme, avec des pots de vin, avec des passe-droits. Enfin bon, bref, j'allais dire, on n'a rien inventé. C'est certain que Sully va profiter de tout cela incontestablement et sous les yeux du roi. Voilà, et d'autant plus alors qu'il invente un impôt. Eh oui. Alors cet impôt, on l'a surnommé la Paulette, du nom du financier Paulet, qui avait été le premier chargé de le recruter. C'était quelque chose que les fonctionnaires, qu'on appelait les officiers à l'époque, payaient, une sorte d'assurance qu'ils payaient, pour avoir le droit de transmettre leurs charges à leur mort à tel ou tel de ses héritiers. Alors c'est complètement immoral. Vous êtes magistrat, vous êtes propriétaire de votre charge, vous la léguez, que votre fils ou votre neveu soit capable ou ne soit pas capable, ce n'est pas le problème du moment que vous payez. Alors, cette stabilité a donné un élan extraordinaire à la valeur de ces charges. C'était devenu, même dans les héritages de la bourgeoisie, oui. Voilà un élément mais capital du patrimoine. Alors, naturellement, les salaires qu'il recevait du roi, il les recevait plus ou moins. Quelquefois, on avait pris l'habitude de les payer seulement deux trimestres sur quatre, ou bien quelquefois un trimestre et demi seulement, quand le roi avait beaucoup de besoin d'argent. Mais ça n'avait pas d'importance, c'était la valeur en capital qui comptait. Et là, Sully a défendu bec et ongle contre bon nombre d'opposants qui disaient « mais c'est complètement immoral ». Et puis, ça va créer une caste de gens qui vont un beau jour s'opposer au roi. Ils vont dire « moi, je suis propriétaire de ma fonction. Et vous, vous ne pouvez pas me donner d'ordre, vous ne pouvez pas me révoquer. Voilà, si vous voulez me révoquer, payez le capital. » Eh oui. Et donc, c'était devenu absolument impossible pour toute une série de gens qui étaient très, très proches de Henri IV d'accepter cette réforme. Et Sully est parvenu à la faire accepter par Henri IV, oui. Parce qu'il lui a montré l'avantage pour les finances royales. Il y a... Mais il s'est créé, alors là, une clientèle immédiate extraordinaire. On peut parler d'un duo, hein, Sully-Henri IV. Après la mort du roi, ça devient beaucoup plus difficile. Et évidemment, que devient Sully pendant la régence de Marie de Médicis? La dernière année de la vie d'Henri IV, Henri IV avait commencé à avoir beaucoup peu, de soupçons. Oui, voilà, oui. Ouais. Et il s'était confié à Marie de Médicis. Marie de Médicis, parmi les premiers actes qu'elle accomplit, d'abord écarte Sully du conseil de régence. Ça, c'est la première chose. Et le protestant qui est Sully ne peut qu'en avoir de l'amertume, puisque à sa place, il y a le nonce et l'ambassadeur d'Espagne. Imaginez le scandale pour lui. Mais Marie de Médicis va plus loin. Elle décide de supprimer le ministère des Finances, le poste de surintendant des Finances, et donc elle en prévient Sully. Alors Sully proteste, et puis il y a une rencontre en tête à tête entre Marie de Médicis et Sully. Et bon, ce qui filtre après, c'est que Marie de Médicis lui dit « écoutez, n'insistez pas, parce que j'ai les preuves que m'avait déjà confié le feu roi, oui, de vos manigances financières et de vos rétrocommissions. » C'est comme ça, on se retire, voilà, sur la pointe des pieds. Si alors, Sully se retire sur la pointe des pieds. On supprime le ministère, c'est finalement très bien. On l'a coupé en quatre, hein, de façon à avoir quatre prévaricateurs au lieu d'un seul. Mais en tout cas, pour Sully, donc c'est la fin. Et il va connaître une retraite qui va durer plus de 30 ans. Eh oui, une retraite très chrétienne au demeurant. Très chrétienne, en tout cas. Et donc, de 1611 à 1641, il va falloir qu'il s'occupe à sculpter sa statue. Sa statue, nous allons dans un instant la visiter en compagnie de Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. l'heure est venue à présent de retrouver Lorena Martin pour une visite des lieux par lesquels Sully est passé au XVIIe siècle. Eh oui, bonjour Lorena. Bonjour Franck. Nous irons tout à l'heure à Nogent-le-Rotrou sur la tombe de Sully. Parlons peut-être de l'endroit où il résidait quand Henri IV est parti lui rendre visite et va se faire assassiner en mai 1610. Il était à l'Arsenal. Il était à l'Arsenal et de l'Arsenal royal de Paris, il reste aujourd'hui la résidence du grand maître de l'artillerie qui abrite aujourd'hui la bibliothèque de l'Arsenal. Que connaissent bien les amoureux d'histoire et les amoureux du théâtre notamment. Oui, parce que c'est une bibliothèque spécialisée aujourd'hui en littérature française, histoire du livre. Il y a aussi des fonds en histoire comme celui des Mazarinades ou des archives de la Bastille donc qui vous plaisent tant aussi. Bien sûr, oui, c'est une très belle bibliothèque et assez remarquable. Et puis avec de très beaux vestiges architecturaux, il faut le dire. L'hôtel central, si je puis dire, ce qui nous reste de Sully, c'est évidemment le siège des monuments historiques, l'hôtel de Sully, tout simplement. Oui, pas très loin de l'Arsenal, d'ailleurs. Pas très loin, près de la place royale, aujourd'hui place des Vosges. Et c'est un hôtel particulier assez magnifique qui était la demeure donc, de Sully. Un hôtel entre cour et jardin, avec deux ailes de retour qui donnent sur la rue Saint-Antoine par deux gros pavillons. Il a été construit en 1625. La grande façade des rues Saint-Antoine. Oui. Et c'est Henri IV qui lance tout cet aménagement urbain et Sully qui va le superviser. Et Sully acquiert cet hôtel en 1634 et il va y rester avec sa famille jusqu'au milieu du 18e siècle. Il restera dans sa famille, au milieu du 18e siècle. C'est le centre des monuments nationaux aujourd'hui. Ça se visite, cet hôtel ça de Sully? Ça se visite, sur réservation, bien sûr. Mais il y a notamment les appartements de la duchesse, Charlotte Séguier, qui était l'épouse de Maximilien, second duc de Sully, qui était le petit-fils de notre Sully à nous. Et c'est un appartement traditionnel du 17e siècle. Qu'on peut visiter aussi virtuellement sur le site du Centre des Monuments Nationaux. Alors, 14 ans après la mort d'Henri IV, Sully devient seigneur de Nogent-le-Rotrou, qu'on appelle Nogent-le-Béthune, du nom évidemment de Sully, de son titre. Et c'est là qu'il sera enterré, n'est-ce pas? Oui, c'est dans la petite cour de l'ancien Hôtel-Dieu que se trouve l'accès au tombeau donc de Sully et de sa femme, Rachel de Cochefilet. Et peu avant sa mort, c'est Sully qui avait demandé à être inhumé dans l'église, mais c'était vraiment impossible puisqu'il était protestant, comme vous l'avez dit. Et donc l'ensemble statuaire de marbre blanc était son souhait. Et on le doit en partie à Barthélemy Boudin, qui le réalise un an après la mort du duc. Et Sully porte un costume de cérémonie, couvert du manteau ducal qui s'en trouve et on aperçoit aussi son haut de chausses et il porte aussi la collerette, la fameuse collerette. Et son épouse meurt plus tard en 1659 et sa statue serait sans doute l'œuvre d'un des élèves de Boudin. Alors c'est le haut lieu, j'allais dire, touristique de cette ville de Nogent-le-Rotrou qui par ailleurs possède un certain nombre de petits trésors. N'hésitez pas à entrer sous les porches, à forcer les portes si je puis dire, à aller voir les cours, c'est assez magnifique. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et nous revenons sur un grand moment de l'histoire, celui de la naissance du tiercé, Franck. Moi, j'appelle ça un petit moment, si vous voulez bien. Mais on va parler du tiercé bientôt. On va en parler vendredi prochain, puisque nous évoquerons l'hippodrome de Longchamp. J'en profiterai pour vous raconter l'histoire d'un pur sang assez extraordinaire. C'est le 22 janvier 54 que s'est couru le premier tiercé de l'histoire. Alors depuis, il y a eu le quartet, le quintet. Plus, je ne vais pas faire de la publicité pour le Paris Mutuel Urbain, mais enfin bref, le principe même des courses, il existe depuis l'Antiquité. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Athènes, Rome, en passant par Byzance, bien entendu, avec les courses de chars. La tendance va se tasser pendant un certain temps, jusqu'à ce que Louis XIV en France et Charles II en Angleterre remettent les courses au goût du jour, avec des paris. C'est qu'en Angleterre, les bookmakers jouent un rôle absolument essentiel. Il faut attendre quand même le milieu du 19e siècle pour que les courses se popularisent avec un public qui se diversifie. La création de l'hippodrome de Longchamp, on verra ça vendredi donc dans le bois de Boulogne, en 1857. Le duc de Morny n'est jamais très loin dans ce genre d'affaires. Et puis, la loi du 2 juin 1891. À ce moment-là, l'État va créer des paris qui devront désormais passer par des sociétés de paris mutuels, ces sociétés de paris mutuels reversant 5% du montant des paris à l'État. Inutile de vous dire qu'il y a de la fiscalité derrière tout ça, bien sûr. Le principe du pari mutualisé sont des sommes mises en jeu, mutualisées et redistribuées aux gagnants au prorata des mises de départ. Avec quelques retenues au passage, bien entendu. La vraie révolution, elle s'effectue en 1930, lorsqu'André Carus crée le PMU, et puis ce 22 janvier 54, à l'occasion du prix Uranie qui était couru à l'hippodrome d'Anguin, eh bien Carus va lancer cette nouvelle forme de pari qui est devenue tellement populaire et qu'on appelle le tiercé. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oh oui, merci beaucoup Franck. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.